Les gars, on est sur l'avant-dernier. Merci la zone, on dit. J'suis sur Becky Central. J'peux mener ma vie sans traître. Ok, c'est l'avenir au mic. Yeah. J'suis sur béquille centrale, j'veux vivre ma vie sans traite. Pour être fort, faut la mentale, pour être fort, faut la mentale. J'suis sur béquille centrale, j'veux vivre ma vie sans traite. Pour être fort, faut la mentale, pour être fort, faut la mentale. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, ah, ah, ah. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, ah, ah, ah. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, ah, ah, ah. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, ah, ah. Tout va bien, je nique tout, c'est pas fini. Tu vois ma tête sur sac à Kini. La moula dans la Sergio Tacchini. J'suis resté en Inde, j'ai pas signé. Des fois c'est la merde, faut que je m'en sors seul. Moi c'est Jules, dégradé avec le trait sur le sourcil. Arrête de faire le mec, t'as du sursis. Sur ce, j'compte plus sur mon frère que sur ça en personne, frère. J'ai appris leur vie sans les voyer en faire. Ils ont touché la haine en me voyant fort. Je posant toujours les frères, ou compris deux enfermes. Pas ceux qui me font la bise et que je s'en fous. J'enlèverai, j'enlèverai. On est pas parfait, on a tous des défauts. En effet, ces bâtards mettent mon corps à laisser. Tout à prendre, rien à laisser. Quand je le. Mesdames et messieurs, quand je lève la moto, j'ai des sensations. Et avant de rater sur scène, j'ai des pulsations. J'en ai plus cassé, d'avoir le cœur cassé. Maintenant, je vais t'esquiver quand je vais devoir passer. Je sais qu'ils parlent mal quand je suis pas là. Après, ils viennent me dédicacer. Je ne dis rien, je laisse passer. Gros joint tassé, je suis dans l'espace. Mon cœur a eu chaud, je suis plus cassé. J'ai la haine, ouais, je vais tout casser. Ça fait wop, wop, wop, wop. Ce soir, la team Joule, elle fait des dégâts. Ça fait wop, wop, wop, wop. Je dis ce que je vis, ça pisse, ça plaît pas. Ouais, ça fait wop, wop, wop, wop. Faire le trait, poteau, ça se fait pas. Ça fait wop, wop, wop. Non, non, c'est pas des là les gars. Et il me semble qu'on est tous ensemble. Quand on se rassemble sans faire semblant. Parce qu'au fond on se ressemble. Faut qu'on reste simple. Dégustons les moments. Passons des soirées sans blème. Sans blème. 1, 3, ma ville, mon quartier, mon emblème. J'suis sur béquille centrale. J'veux vivre ma vie sans traite. Pour être fort, faut la mentale. Pour être fort, faut la mentale. J'suis sur béquille centrale. J'veux vivre ma vie sans traite. Pour être fort, faut la mentale. Pour être fort, faut la mentale. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. Et merci la zone, et merci la zone, et merci la zone, et merci la zone.